Radiomatique. C'est sur la musique du Quantic Soul Orchestra que s'ouvrait la transmission 513 d'Audiomatic de l'album Tropidelico, paru en 2007. Nous écoutions la pièce Panama City. Et maintenant, c'est au tour du duo américain Magic Wands d'assurer la continuité à Audiomatic. We'll be right back. Nous avions droit à Audiomatique au groupe anglais The March Violets qui a existé de 1981 à 1987, puis s'est reformé le temps d'un concert en 2007 et depuis 2010, le groupe est actif autant sur disque que sur scène. De son plus récent album Crocodile Promises, paru le 19 juillet 2024, nous entendions la chanson Heading for the Fire. Tout juste avant The March Violets, il s'agissait de la formation japonaise Melt Banana, qui a été fondée en 1992. De son plus récent album, sorti le 23 août 2024 et intitulé 3 plus 5, nous avons offert la pièce X. Précédemment à Melt Banana, c'était le groupe suédois Principe Valiente. Nous vous avons fait jouer la chanson Something New, remixée par le groupe allemand Girls Under Glass. On peut retrouver cette version sur la parution In This Light Single Remixes, qui comprend des versions remixées des simples qui ont été extraits du dernier album de Principe Valiente, soit l'album In This Light, qui lui a été lancé le 3 mai 2024. Et pour débuter ce segment musical exceptionnellement de 4 pièces, nous vous présentions le duo américain Magic Ones et sa pièce Hide in the Dark Mix, tirée du plus récent simple pour la chanson Hide, paru le 26 juillet 2024. Et à Audiomatique, nous y allons maintenant avec une composition du contrebassiste d'origine israélienne, Avishai Cohen. Yo ya sé que me olvidaste, ni siquiera tenías que decirlo, porque sé mejor que nadie quién eres tú. Yo ya sé que me olvidaste. Audiomatique, nous venons d'écouter le projet vénézuélien Dr. Mu, qui s'écrit Dr.Muu. La pièce intitulée Canción Palati se retrouve sur Venezuela Electronica Volume 2, une compilation qui fait partie d'une série de 10 albums mettant en valeur plusieurs artistes évoluant sur la scène de la musique électronique vénézuélienne. Avant cela, c'était le projet La Mecánica Popular, de qui nous écoutions la chanson Se que me olvidaste, tirée du premier album homonyme sorti en 2012. Et nous amorcions la séquence sur la musique du trio mené par le contrebassiste Avishai Cohen. De son album From Darkness, publié en 2015, nous écoutions la composition C dièse tiret. À Audiomatique, nous poursuivons cette fois avec le projet américain Nonpareils. Oh. Audiomatique, le groupe américain Standing Shadows de son mini-album The Silent Revolution EP, lancé en 2011, nous vous avons fait jouer la chanson Bright Lights. Comme deuxième pièce de ce bloc musical, nous avons décidé de diffuser la pièce titre du premier album de l'artiste danoise Agnes Obel, soit Philharmonics, sorti en 2010. Et en amorce de séquence, nous avions droit au projet Non-Parallels, mené par l'artiste américain Aaron Amphill, un ex-membre du groupe Liars. De l'album Rhetoric and Terror de Non-Parallels, qui paraîtra le 20 septembre 2024, nous entendions la chanson Opening Chord.